L'angoisse. Nature. Rien de toi ne m'émeut, ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des champs, des vers, des temples grecs et des tours en spirale qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales. Et je vois du même œil les bons et les méchants. Je ne crois pas en Dieu. J'abjure et je renie toute pensée. Et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus. Lasse de vivre, ayant peur de mourir, pareil aux briques perdues, jouées du flux et du reflux, mon âme, pour d'affreux naufrages, appareille.